après Monaco et Marseille, des biens. Ici Nicolas Martel. Je vous invite du 13 au 16 septembre à venir assister en grand nombre au 48e championnat mondial de pétanque avec plus de 48 pays participants. Également, la tenue du festival des biens extrêmes avec la plus grosse tourtière au monde, la chaise musicale géante, le championnat mondial de pédalo et plusieurs autres activités seront à l'honneur. De plus, en soirée, trois spectacles de Québec Cime, partenaire majeur de l'événement. Pour achat de billets ou informations, consultez le site web et le Facebook de la ville de Lévis. On va parler de golf avec notre ami Roger Caron. Salut Roger. Hey, bonjour Danny, ça va bien? Ça va bien Roger. On va commencer la chronique. Hey, dis-moi, avec la rentrée qui est débutée, là, oui. C'est-tu moins bon? C'est-tu meilleur? C'est quoi? Ben moi, je te dirais qu'aujourd'hui, regarde, on regarde ça hier, c'était très bon. Aujourd'hui, je peux dire qu'on a eu un très bel achalandage encore. Il faut dire que la température est de notre côté. Alors, vraiment, c'est très, très, très, très bon. Ah, c'est vraiment génial. En fin de semaine, il y avait un tournoi de classique, ce qu'on appelle la classique Lac Saint-Jean. Ben oui, c'était une compétition qu'on fait entre deux clubs. Okay. Lac Saint-Jean, Saint-Gédéon et Domaine Lac Saint-Jean, Saint-Prime. Alors, c'est une compétition qui se fait en équipe de deux personnes et ça se fait dans toutes les classes. Okay. Alors, on joue du Vegas, Continuous Madigan, et deux balles, meilleure balle. Okay. Et on a eu de très belles compétitions, juste pour nommer quelques-unes. Dans le masculin 2A, il y a eu deux grosses performances là, de golfeurs. Danny Tremblay, Jean-Luc Maltais avec un combiné de 134. Okay. Et Yannick Lassalle et Gaston Jones avec aussi un 134. Ils ont dû aller en prolongation. Après deux trous de prolongation, c'est Yannick Lassalle et Gaston Jones qui ont gagné. Mais de très grosses performances. Vraiment, 134, là, c'est digne de mention. OK, donc... vas-y, moi. Après ça, du côté du A, nous avons eu Yves Vachon et Yvon Noël avec un 143, qui a été très, très, très, très bon aussi. Et une pêche, qu'on a une belle surprise, c'est du côté masculin dans le 2B. Nous avons eu un 138 combiné, qui est très bon pour le 2B. Mario Larouche et Sébastien Godreau. Alors, c'est vraiment de belles compétitions. On a eu dans le B, Yannick Maltais et Johan Gauvreau à 149. Okay. Alors, c'était très bien. Et si on regarde dans les madames, dans le 2A, nous avons Nathalie Kepnes et France Kepnes avec un très beau 142. Ah, c'est bon, ça. C'est donc, évidemment, il fait faire beau encore, hein? Ah, il faisait beau. On a eu, en fait, une belle température à Alma, parce que le tournoi se déroule une journée à Alma, okay. Et le lendemain, il était ici à Saint-Prime. Okay. Alors, on fait les deux terrains dans la même fin de semaine. Ah, c'est bon, ça. Donc, c'est ça. OK. Fait que si on regarde ça en gros, ça a été vraiment là, des belles performances. Il y a dans le haut qu'on a une belle performance aussi, Linda Dufour et Lisette Fortier, 154. OK. Alors, vraiment, des belles performances, des gens... agréable, une belle participation de près de 120 joueurs. Alors, ça a été excellent de ce côté-là. OK. Donc, et maintenant, qu'est-ce qu'il y a cette semaine, là? J'imagine qu'il y a quand même un certain changement. Voilà, dans le moment, on a une petite chose régulière. Nous avons notre petite mafia Marché-Richelieu vendredi. Okay. Alors, ça fonctionne tout le temps très bien. 40-50 personnes. Alors, c'est tout le temps un bel événement. C'est vendredi après-midi. Membres et non-membres peuvent jouer ce petit tournoi-là. Et je peux dire que dans les prochaines semaines, c'est des terrains du côté social un petit peu. Comme demain, on a la chambre de commerce demain après-midi. Okay. Mais la plupart, là, dans les gros tournois après ça, on va du côté du tournoi de la fermeture, c'est le 6 octobre. Alors, on demande aux gens de réserver le 6 octobre pour le tournoi de fermeture. On va avoir un très bon souper. Des prix de présence, des belles surprises. Alors, ça devrait être vraiment très, très, très, très bien à ce moment-là. OK. Donc, c'est vraiment intéressant. Dans les promotions maintenant? Bien, dans nos promotions, on a toujours à partir de 15 heures, à 15 $ avec le golf illimité. Mmh. Alors, c'est très bon. Ou, mettons, à 40 $ on a deux golfeurs avec la voiturette motorisée inclus. Okay. Alors, tu peux faire le nombre de trous illimités aussi. Alors, ça, c'est très bien. Et naturellement, tout le jour, le matin, du matin au soir, on a toujours notre quatuor à 120 $ pour 4 joueurs, voiturette, petit panier de balles inclus, etc., etc. Okay. Alors, c'est vraiment très bon. Donc, on s'en reparle. Et ça fait pas mal le tour cette semaine? Oui, on a fait le tour et on peut dire que présentement, on a des conditions exceptionnelles. Les verres sont beaux, tout est beau. La température est de notre côté. Alors, c'est vraiment du beau golf, là. Il faut que les gens en profitent, c'est une belle saison. Non, c'est extraordinaire, puis ça, c'est bravo, puis il y a pas toute l'économie, on se ressent. Hein. C'est fou comment que... Exactement que, ça. Comment que ça devient, vous êtes tributaire du beau temps, vous avez beau mettre 1000$ de publicité, s'il fait pas beau... Oui, c'est ça. Voilà, Danny, tu as parfaitement raison. La température amène les gens, et regarde, on se rend compte, on est un mardi aujourd'hui, et on avait beaucoup de gens de l'extérieur. Ah donc, oui? C'est là qu'on voit que c'est la... Oui, c'est là qu'on voit que c'est la température qui fait sortir les gens, qui amène les gens, qui c'est bon pour notre économie. Ça vient de où, ces gens-là? Oh, ça vient du Saguenay, un petit peu partout. Okay. Mais il y en a aussi, je regardais, là, depuis le mois d'août, septembre, on a beaucoup de gens même de Québec. Ah oui? Même des gens, des gens de la Mauricie, de la Montérégie, on a des gens un petit peu de partout. Puis c'est pour ça que nous, on s'informe souvent d'où ils viennent, pour savoir d'où provient notre clientèle et pouvoir les cibler pour d'autres années. Mmh. Alors, on s'informe beaucoup, puis on a vraiment des gens d'un peu partout. OK. Ben, on s'en reparle prochainement. Merci, Danny. À la prochaine. Voilà, donc, c'est Roger Caron.